Loin de toi au rayon boucherie, toi à la caisse, moi au rayon boucherie. Je pense à toi au rayon boucherie, rejoins-moi au rayon boucherie. Mais tu ne peux pas car tu es sous contrat à durée indéterminée. Mais moi avec toi je suis déterminé à te faire un rapport sexuel. Mais toujours le rayon boucherie et la bouchère au rayon boucherie qui me sourit au rayon boucherie. Mais ses seins sont comme des paupiètes, toi tes seins sont comme des petits flancs du rayon pâtisserie. Et il y a une promo sur la saule, mais je ne vois pas le rapport sexuel. La la la au rayon boucherie, la la la au rayon boucherie, la la la au rayon boucherie, la la la au rayon boucherie.